j'arrive dans le bloc, j'ai volé le gun d'un petit. Il a insulté ma mère de pute alors que maman est gentille. Et je l'ai tabassé. Je lui ai donné un coup de poing. Pas un coup de main. Je suis gros, j'ai trop couru, du coup j'ai un poing. Ma maman c'est la queen, mais ton père est un putain. Putain. What the dog do? J'ai plein de guns, je n'en ai plus qu'un. Mes guns font rapapapa. Maman est gentille et je l'aime trop. Même quand elle me traite de sale gros. Je suis pas obèse, c'est juste que j'ai beaucoup de poids. J'aime pas les légumes et j'aime pas les petits pois. Ta daronne la boulangère qui encule des baguettes. Ta daronne la boulangère et fuck fuck. Fuck la boulangerie et fuck les pédos. NTM, je mets de la farine dans mon bédon. J'adore les mineurs, c'est ce que je dirais si j'étais pédo. Ta mère je la prends comme une girafe et je l'encule par en haut. Après Ken j'ai pris une photo pélo. Ma longue baguette à la Pinocchio. Salope, maintenant respecte ma daronne. Clochard. Okay, fuck la boulangerie. Elle baguette.